Je vous ai fait chier en français. Salut à tous, salut tout le monde, je vais mettre moins fort. Ok. Je vous suis les gars. Merci.